Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour ce nouveau billet de sortie pour l'heure des loups, hein, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107 FM. Là, je suis contente de vous retrouver, hein, je rentre tout juste de vacances. Je suis contente de retrouver le micro, ça m'avait un petit peu manqué. Et donc, comme promis, comme tous les vendredis, vous aurez un prix. Je vais y arriver, ça y est. Quand on est en vacances, on oublie un petit peu ces mots. Donc c'est un florilège, pardon, de différentes interviews, de différentes annonces. J'ai deux interviews, j'ai beaucoup d'annonces et j'ai quatre musiques, comme d'habitude, hein, qui vont crescendo. Je vous les annonce déjà au cas où j'oublie de les rappeler. Mais dans l'ordre, donc c'est Respect de Aretha Franklin, qui nous a quittés très récemment, suivi de Seven Years de Luca Graham, suivi d'une musique tirée du film Blade 2, interprétée par Daru des Robes, Zombies, c'est de l'électro. Et enfin, Hangover de Hellstorm qui sera sur les planches vosgiennes. En effet, ils seront dans les Vosges demain, samedi, pour le Festival des Sapins Barbus. On en parlera plus tard. Mais bon, comme ça va être l'heure de vous annoncer la liste non exhaustive d'événements que je vous annonce, on lance déjà le générique du billet de sortie. Eh bien, on va commencer ce billet avec une information un peu random, un peu hasardeuse, qui m'est parvenue et que je ne sais pas vraiment où trop la mettre. Il s'agit d'une campagne organisée par le Secours Populaire, une campagne nationale avec différentes grandes surfaces dont je ne citerai pas le nom, mais c'est une chaîne de grandes surfaces dont une se trouve à Jeuxey, comme ça vous voyez de laquelle je parle, d'en citer le nom. Donc cette grande surface organise avec l'aide du réseau national du Secours Populaire et différentes antennes, bien entendu, une collecte, hein, entre le 7 et le 27 août. C'est la 4e édition de l'opération Grand Recyclage de la rentrée, où une collecte nationale est organisée de fournitures scolaires, donc papier, crayon, carnet, cahier, tout ce qui va avec, toutes ces choses usagées ou non utilisées, dont le bénéfice permettra au Secours Populaire français d'offrir des fournitures scolaires à des familles en difficulté. C'est une démarche environnementale, solidaire et doublement responsable. Et comme c'était la première, c'est la première rubrique qui s'achève déjà, et oui, on va très très vite, qui dit fin de rubrique dit première musique. Donc on s'écoute tout de suite Aretha Franklin et son morceau Respect. What you want? Et on reprend ce billet de sortie avec cette fois la rubrique culture, à commencer par une exposition. La Chapelle des Arts de la Suche à Saint-Étienne-lès-Remiremont recevra du 18 au 31 août 2018 une exposition. Il s'agit d'Alexis Boileau, qui est pastelliste aux œuvres hyper réalistes. Donc Alexis Boileau, pour que vous situiez un peu qui est cet artiste, c'est un pastelliste vosgien né en 1985. Il réalise ses gamme chromatique dès la fin des années 1990 auprès de la pastellerie Alexandra Vaillant, qui l'initie, la pastelliste pardon, Alexandra Vaillant, qui l'initie pleinement à l'art du pastel. Il est fasciné par ce matériau qui permet le travail du pigment à l'état pur et il se définit désormais comme un pastelliste irréductible. Le pastel, je cite, est un matériau vivant qui réagit à l'humidité, au papier, à la pression exercée. C'est un matériau vivant à l'état de craie qui doit continuer à vivre et à vibrer sur le papier. Donc ses œuvres hyper réalistes sont résolument inspirées par des thèmes simples. Hein. Il est passionné par la botanique. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour que fruits et légumes mais aussi pots de fleurs ou encore bouteilles de vin se retrouvent déposés pêle-mêle sur le papier. Son approche tend à revisiter la nature morte et les sujets simples souvent délaissés tout en leur donnant une dimension nouvelle et inattendue. L'exposition sera ouverte de 10h à 18h30 avec la présence du peintre ou même de l'artiste au travail. Et soit dit en passant, il est venu exposer pour la première fois à la Galerie des Artistes édition 2018 à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Toujours dans le secteur de Remiremont, et cette fois bel et bien à Remiremont, il s'agit d'une information concernant le musée Charles Friery. Donc l'exposition gratuite sur le général Imbert se prolonge jusqu'au 16 septembre au musée Charles Friery, sous une forme plus réduite mais avec l'essentiel. Un courrier de la main du fameux militaire vosgien, une gravure coloriée de Basset vers 1799, un grand portrait dessiné par Gilles Braidoff vers 1898, d'après une gravure du début du 19e siècle, sans oublier le superbe sabre d'honneur gravé du capitaine Durival donné par le premier consul Bonaparte à la suite de l'expédition d'Irlande. Cette petite exposition constituée de deux vitrines sera prolongée par un livret disponible à l'accueil des musées et ça vous incite à découvrir les collections du musée en lien avec la Révolution, donc musée Charles de Bruyère et du Premier Empire, musée Charles Friery. La rubrique la sous-rubrique, exposition est déjà terminée, mais on continue dans la culture avec cette fois Golbey qui propose le samedi 18 août une séance de cinéma en plein air. Le film s'intitule Il a déjà tes yeux. C'est une comédie à vivre en plein air et sous les étoiles. La commission culture et animation vous propose samedi 18 août à 21h dans la cour de l'école Jean de la Fontaine, donc rue des Cigognes, le désormais traditionnel cinéma en plein air qui signe la dernière animation festival de 2018. Cette année, c'est la comédie Il a déjà tes yeux qui a été sélectionnée. Donc l'histoire, Paul est marié à Sally, tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sally reçoit l'appel qu'ils attendaient depuis longtemps, leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin, il est blond aux yeux bleus, il est blanc et eux sont noirs. Un film familial pour petits et grands. Pour votre confort, n'hésitez pas à porter vos chaises et couvertures. Et en cas de mauvais temps, le repli se fera au centre culturel de rue Jean Bossu. Et sinon, l'entrée pour ce cinéma en plein air est bien entendu gratuite.

Et on reprend avec la rubrique soirée-concert qui a commencé par l'Estaminet à Vanier qui dimanche 19 à 18h poursuit la saison des apéros-concerts barbecue avec cette fois pour le concert Dr Mojo et Mr G. Le duo baroque entre folklore européen et blues déguingandés, Dr Mojo et Mr G, incarne les personnages hauts en couleur tirés de la littérature romantique du 19e siècle. Leur décor de scène en forme de cabinet de curiosité joue aussi son rôle, devenant presque un acteur à part entière. Toujours en mouvement et laissant une belle place à l'improvisation, le répertoire mêlant compositions et covers revisités se transforme par moments en sketch, voire en numéro de cirque ou en scénette de la Commedia dell'arte. L'impétueux Dr Mojo chante, accompagnant à l'harmonica ou à la guimbarde, pendant que le ténébreux Mr G triture le dombro, guitare diverse et un piano. Un curieux mélange donc, qui ne laisse pas indifférent pour les influences citons Tom Waltz, Screaming, Jay Hawkins ou Serge Gainsbourg, entre autres donc pour un apéro-concert dimanche 19 à l'Estaminet à Vanier dès 18h. Et comme on parle comme chaque semaine de l'Estaminet à Vanier, il y a quelqu'un d'autre aussi que vous connaissez très bien, que j'ai chaque semaine en téléphone. Il s'agit de Steve du Complexe, l'artiste, et je vous laisse l'interview que j'ai faite avec lui. Et on se retrouve à nouveau pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Steve du Complexe, l'artiste à Golbey. Bonjour Steve. Bonjour Lou. Alors j'espère que ce début de mois d'août s'est bien passé pour toi. Mais ça s'est très bien passé, bien sûr, hein, villégiature, il fait beau, il fait bon, tout va bien. Fantastique. Et comme on avait annoncé, comme d'habitude, on annonce le programme des jours à venir, ça va être le moment de recommencer. On va recommencer déjà par rappeler aux auditeurs un événement que tu organises ce soir, une soirée chic et choc, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mix party, tenue chic et détail choc, c'est l'idée de proposer une animation musicale avec une thématique. Et là, on se costume, on s'habille avec un petit détail, un chic, mais avec un truc un peu choc. Voilà, vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment votre création, votre créativité est mise à l'épreuve, faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour ce soir, l'entrée est gratuite comme d'habitude? Oui, tout à fait. Et ensuite? Demain, karaoké party au caveau à partir de 20h. C'est la petite formation du karaoké qu'on fait habituellement le jeudi. Là, on fait quelque chose de plus intimiste dans le caveau, avec vraiment là vous choisissez de manière très conviviale au fur et à mesure ce que vous voulez chanter. Donc ça, c'est demain soir également, entrée gratuite à partir de 20h. Puis. Et après, on passe à la semaine prochaine. Donc, bien sûr, le dimanche, c'est toujours ouvert. On a parfois des groupes qui viennent répéter. Ouais. Là, pas ce week-end, mais bon, on passe de la musique aussi. Ça, c'est tous les dimanches, à partir de 20h aussi. Et donc, la semaine prochaine, on a bien sûr le jeudi, le karaoké, le jeudi. On vous conseille de réserver vos tables, parce que, encore ce jeudi, il y avait pas mal de monde et on propose on vous conseille même de réserver vos tables sur le site internet. complexartiste.com. Voilà, là c'est le mieux. Et vendredi prochain, on aura également une mix party, soirée fluo. Là, on sera en mode fluo. Venez habillé en fluo et vous allez voir. Ça donne toujours un effet un peu sympathique. Donc voilà. Donc là, on est vraiment sur des animations de l'ordre musical en ce moment pour l'été et ça marche assez bien. Et encore une fois, l'entrée à toutes ces animations est gratuite, comme tu n'as pas précisé de prix. Après, c'est la consommation qui est à payer sur place en toute logique. Évidemment. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est pour les événements que tu annonces à venir. Bien entendu, l'événement de vendredi de la semaine prochaine, on le rappellera vu que ça commence à 21h, si je ne me trompe pas, la soirée fluo, comme la soirée tenue chic détail choc de ce soir à 21h, au complexe L'Artiste à Golbey. Bah écoute, si on n'a rien d'autre de plus à raconter à nos auditeurs, on pourra... Pour l'instant. Ouais, bah écoute, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. On fera part de la programmation en septembre parce qu'on a des gros concerts à venir. Oh. Rock, metal, donc là on en reparlera. Donc là, ça sent la rentrée en septembre. Voilà. Ah bah on a hâte d'en savoir plus d'ici là. En attendant, merci beaucoup pour tes précieuses informations et à la semaine prochaine. Merci Lou. Salut. À bientôt. Et la dernière fête à annoncer, c'est à la base de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte. Donc le lundi 20 août, ce sera une soirée moules frites à partir de 19h30 à la brasserie Les Terrasses du Lac. Le menu est au tarif de 22€ par adulte, 11€ par enfant de moins de 12 ans. La soirée est animée par le duo Vendest hein, et la soirée est à réserver au 03 29 24 56 58. 56-56, pardon, donc je recommence 03-29-24-56-56 ou à contact@lac-moselotte.fr ou sur le site aussi pour plus d'informations sur www.lac-moselotte.fr. Et on arrive déjà à la fin de cette nouvelle rubrique. On va tout doucement passer à la rubrique festival. Qui dit festival dit musique festive. Ah! Vous le voyez venir, hein. Il s'agit d'un morceau de Blade, hein, du film Blade 2 Enter the Rave par Darude et Rob Zombie. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après. I'm here once again. Avec cette musique, je pense que vous l'avez bien compris, on entre tout doucement dans la rubrique festival. Mais on va commencer soft, hein, on va commencer avec le Théâtre du Peuple qui est toujours dans ses spectacles, hein, à commencer par le spectacle Littoral qui aura lieu le 19, 22, 23 et 25 août à 15h. Donc c'est une représentation de la pièce intitulée Littoral, comme je l'ai dit, de Majdi Mouawad, mise en scène et scénographiée par Simon Delétan. Et pour la synopsis, hein, donc c'est Wilfried qui apprend la mort de son père et qui se met en quête d'un lieu de sépulture. Il se lance sans le savoir dans une aventure qui le mène au fondement de sa propre existence. Il fouille la mémoire et le passé, faisant se côtoyer les vivants et les morts, mêlant comédie et tragédie. C'est un spectacle qui dure 2h30, hein, dans la grande salle. L'entrée coûtera entre 8 et 25 euros. Et si je ne l'ai pas dit, ou au cas où je préfère radoter, donc tous ces jours-là, les spectacles commencent à 15h. Et sinon, à partir du 31 juillet, ça a déjà commencé. Ce sera le moment des Molières de Vité. Donc la semaine, les pièces sont à 20h, hein, chaque pièce durant 1h30. Le mardi, il y aura l'école des femmes. Le mercredi, le Tartuffe ou l'imposteur. Le jeudi, Don Juan ou le festin de Pierre, et vendredi, le misanthrope ou l'arbillière amoureux. Et les samedis à 14h, ce sera l'intégrale des 4 pièces jouées la semaine, qui d'ailleurs sont interprétées avec entr'acte. Ça, c'est pour le Théâtre du Peuple. Et puis voilà! L'association L'Arbrasserie organise son dernier festival, un festival intitulé Point Final. Et pour en savoir plus, j'ai eu Cécile de l'association au téléphone qui nous en dit plus. Par contre, par avance, je m'excuse pour la qualité du son et je vous laisse avec l'interview. Le 17, 18 et 19 août de cette année a lieu le festival de L'Arbrasserie. Arbrasserie, hein, c'est une association qui se trouve au niveau de Neuchâtel et j'ai avec moi Cécile de l'association. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Donc plus précisément, c'est à Tignéville, c'est en milieu rural. En effet. Et est-ce que vous pouvez peut-être présenter votre association ? Je ne sais pas si vous avez déjà été présenté dans nos locaux. Oui, alors donc l'Art Brasserie, c'est à la fois le nom d'un lieu et d'une association. Le lieu, c'est une ancienne brasserie artisanale qui fonctionnait au 19e siècle. Et l'association a pour objectif le brassage social au moyen de pratiques culturelles et artistiques. Et donc, entre autres choses, nous avons pendant 14 ans organisé des spectacles et des festivals. Et donc, celui-ci est le dernier festival de la brasserie. Il s'appelle Point Final. C'est même notre dernière activité, parce que après ce festival, la brasserie ferme ses portes. Assez bien triste. Est-ce que vous pouvez éclairer les auditeurs sur les raisons de la fin de votre association ? Alors, bien sûr, c'est triste, mais justement, notre point final, nous le souhaitons festif et sonore à souhait pour que, justement, nous puissions terminer en beauté. Alors, pourquoi la brasserie ferme ses portes ? Tout simplement parce que elle ne peut pas fonctionner sans salariés et que nous avons toujours été bien soutenus par la région Lorraine, par la CAF des Vosges et le Conseil départemental des Vosges. Or, depuis 2017, nous l'avons appris fin 2017, mais c'était déjà pour le budget 2017, la grande région, la région Est, ne nous subventionne plus du tout, alors que pour la Lorraine, c'était un quart de notre budget. Donc, voilà, nous ne pouvons plus salarier des gens, et sans salariés, il n'est pas possible de continuer notre activité. Je comprends, en effet, et c'est aussi, j'imagine, la raison pour laquelle votre festival porte ce nom, oui. Point Final. Oui. Et ce point final que vous avez dit que vous voulez festif au possible, joyeux pour terminer l'activité de votre association en beauté. Donc c'est des temps forts sur 3 jours, hein, 17, 18, 19 août si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui va se passer à commencer par dès aujourd'hui ? Alors ce soir, la billetterie est de 20h à 20h30 et nous avons ensuite 2 concerts. Le premier, donc Mat News, poésie en chanson, et le deuxième, duo aux oreilles mais en quintette pour l'occasion, qui fait donc de la musique réunionnaise en hommage à Alain Peter. Samedi 18, l'après-midi. Donc, la billetterie est de 13h15 à 13h45, et nous avons, pour l'après-midi, et nous avons Second Souffle de la compagnie Brugnac, Les Intimités de l'Homme Orchestre de la compagnie La Muette, un récital de clarinette par Juliette Donadieu, la compagnie La Chose Publique qui présente OGM en spectacle de rue, et ensuite Chetzeleu de la compagnie Le Pays de ma Tête, Charlène Ploner. Voilà le programme de l'après-midi. Le soir, billetterie à partir de 18h30, et nous avons un repas fait par Valérie Lecher de Délicieux Sortilège, un repas avec des plantes sauvages. Ensuite, nous avons 2 concerts, Mafilako, musique, un mélange de musique africaine et irlandaise, et Mamselle Suzy Trio, donc des chansons d'amour, d'humour, esprit guinguette, voilà. Et pour dimanche après-midi, donc le 19 après-midi, la billetterie de 13h15 à 13h45, et nous avons le semeur de son qui va présenter des instruments fabriqués avec des éléments naturels. Il les présente et il en joue. Ensuite, nous avons Le Renard et l'Oiseau, un conte musical avec donc un nickel harpa et une mandoline. C'est la Toc Toc Compagnie, ça? C'est la Toc Toc Compagnie, absolument. Et ensuite, nous avons Trifon s'en mêle les tuyaux. C'est un spectacle de Trifon Basse Trio, donc un trio de cuivre. Et pour terminer, à nouveau Mlle Suzy Trio qui nous donne un autre répertoire que celui de la veille. Voilà. Donc ça, c'est pour les programmes de vendredi, samedi et dimanche. Et dimanche. J'oubliais pour terminer, mais bon, là, c'est une toute petite chose, c'est archi complet déjà. Pour terminer, il y aura Point d'orgue, un spectacle de Juliette Donadieu, mais avec sa clarinette, mais alors qu'elle a fait un récital de morceaux classiques la veille, là c'est une musique plus contemporaine qu'elle va présenter pour un tout petit public de 20 personnes. Voilà, alors ce que je peux dire, c'est que le samedi soir c'est déjà complet, le oui. dimanche à 18h c'est déjà complet, et il reste 7 places pour ce soir. Il reste des places encore parce qu'il y a une jauge plus importante pour demain après-midi et pour dimanche après-midi. Voilà. Est-ce qu'il est toutefois possible de passer pour voir un petit peu ce qui se passe ou discuter avec les membres de l'association? Vous voulez dire vous, là, au niveau de la radio? Pas forcément moi, peut-être des auditeurs qui ont envie d'en savoir plus sur l'association L'Arbre Brasserie. Alors là, je peux pas vous garantir que les bénévoles de l'association seront disponibles pour parler, parce qu'on va vraiment beaucoup, je veux dire, on a déjà beaucoup travaillé pour préparer. Il y aura beaucoup de travail après pour tout ranger, mais pendant, on a également pas mal de boulot, donc je peux pas vous garantir. Parfois, s'il y a des gens qui souhaitent venir essayer de voir, mais bon, venez voir les spectacles. Et puis à ce moment-là, pendant les bars, vous pourrez, parce qu'il y aura quelques petits intermèdes, très petits, parce que c'est un programme bien serré. Oui. Voilà. Et vous avez aussi parlé de bars, et j'ai compris qu'il y a aussi de la nourriture. Est-ce qu'il y a pour différents régimes alimentaires, pour ceux qui consomment sans gluten, des musulmans ou des végétariens? Alors, écoutez, donc il y a un repas qui est prévu, un seul. Oui. Hein. Le reste, c'est les bénévoles et les artistes. Et donc, là déjà, on a 100 repas à préparer pour les bénévoles et les artistes. Donc, oui, bien sûr, on tient compte des régimes alimentaires. Et puis, pour le repas de samedi soir, c'est déjà complet. Voilà, donc et là, comme je vous l'ai dit, c'est une cuisine avec des plantes sauvages, c'est pas à base de plantes sauvages, c'est avec des plantes sauvages et comestibles bien sûr. et là, ce sera plein de petites choses à goûter. C'est pas vraiment un repas avec des plats, donc il y en a pour tous les goûts et tous les régimes. En effet. Et dans ce cas, vous avez dit qu'il reste encore quelques places pour ce vendredi soir. Oui. Vous pouvez peut-être indiquer aux auditeurs les prix d'entrée et peut-être après le lieu de là où ça va se passer plus précisément. Oui. Alors donc, comme d'habitude à la brasserie, les tarifs sont, c'est chacun choisit son tarif en estimant sa tranche de revenus. Donc nous avons comme tranche de revenus les revenus très modestes, les revenus modestes et les revenus suffisants. Pourquoi suffisants? Ben suffisants pour pouvoir payer un petit peu plus de façon à ce que les personnes qui ont des revenus plus modestes puissent payer un peu moins. Et donc les tarifs pour ce soir, c'est 2 € pour les ressources très modestes, 5 € pour les ressources modestes et 10 € pour les ressources suffisantes. Pour demain après-midi, c'est 5 € pour les enfants, parce que les après-midi, les enfants sont les bienvenus. Donc 5 € pour les enfants, 10 € pour les ressources très modestes, 15 € pour les ressources modestes et 30 € pour les ressources suffisantes. Samedi soir, 5, 10 et 20 €. Dimanche après-midi, 5 pour les enfants, 5, 10 et 20 € pour les adultes. Voilà. Très bien. Et le lieu, ça va être sur quoi on va clôturer ? Le lieu, c'est l'Art Brasserie à Attignéville, au 261 rue Claude Le Lorrain. Oui, bien, Cécile, merci beaucoup pour vos informations précieuses. Je ne vous retiens pas plus longtemps parce qu'à l'heure actuelle, on enregistre, vous avez encore certaines choses à faire. Oui. Donc, merci beaucoup et bon courage pour ce merveilleux point final. Bah, le courage, c'est bon, là, il n'y a pas de souci. l'énergie, on en a. Et puis, bah, on est très content d'accueillir le public, voilà, une dernière fois. Au revoir. Au revoir, Cécile. Et on continue avec le théâtre en plein air de Raon-l'Étape qui ce dimanche 19 août à 17h à Luvigny accueille les Clébards. Donc c'est un groupe de rock et histoire de trottoir. Donc c'est un univers colérique, festif et sombrement drôle. On y découvre des épopées d'une galerie de personnages aussi loufoques, attachants et détestables les uns que les autres. En 10 ans, les Clébards ont eu l'occasion de décoller leur coude des comptoirs où ils ont grandi pour rejoindre les scènes où le rock et la chanson ont encore le droit de citer et ainsi partager le plateau avec les artistes tels que Parabellum, Juliette Gréco et Prince Ringard. Donc cette animation est gratuite, hein, comme le veut le Festiplein, le théâtre en plein air. Donc voilà, ce sera dimanche 19 août à 17h à Luvigny. On continue les festivals avec le festival des Estivales de Plombières. Et samedi 18 août à 20h30 à la place du Bain Romain, ils accueillent James Towner Coston. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que l'entrée au spectacle est gratuite. Quand je dis festival, quand je dis Nancy, quand je dis musique classique, qu'est-ce que vous me dites ? Vous me dites Nancyphonie. Et en effet, le dimanche 19 août à 17h au Grand Salon de Nancy, au Grand Salon de l'Hôtel de Ville, aura lieu un spectacle, un concert intitulé Études transcendantes, interprété par Ivan Rudin, qui est au piano. Il interprétera du Liszt. Avec ses études d'exécution transcendante, Liszt cherche à égaler Paganini et s'impose comme le plus grand pianiste de son temps. Mais au-delà de la hardiesse technique, il crée autant d'univers poétique et épique que d'études et hisse l'écriture à des sommets insoupçonnés, ouvrant la voie aux compositeurs des 19e et 20e siècles. Et pour interpréter, pour pouvoir écouter ces morceaux, non pas les interpréter, vous pouvez toujours réserver sur le site www.nancyphonie.fr, la place coûtant entre 10 et 20 euros. Et on retourne vers Remiremont pour le festival intitulé Un air d'été pour sa journée du samedi 18 août. Hein, ça commence à 14h avec Food Truck et Transat en accès libre. Puis 17h, on va aller sur une note plus sportive avec un cyclocross urbain avec la présence de Steve Chanel. Et enfin 21h, concert de Voodoo Doctors qui font du pop rock des années 60 et 70. On quitte Remiremont pour se diriger vers Épinal pour son festival Épinal Bouge l'été. J'annonce en vitesse le spectacle de ce soir, hein, vendredi 17 août à 21h à la place des Vosges. Un spectacle qui dure 1h30, interprété par le groupe La Chose Publique. C'est en gros du bal théâtralisé. Donc des costumes hauts en couleur, une mise en scène en douceur, rien ne les arrête et ne leur fait peur. Ils sont là pour vous faire tourner la tête et même vous mettre plein les jambes sur en air. De fait, la chose publique utilise l'espace public comme espace de jeu et d'enjeu et interroge de manière permanente les relations entre théâtre, musique et public. Elle utilise la plupart du temps dans ses créations des témoignages qu'elle met en scène dans des univers sonores singuliers. Si la notion d'identité est devenue la trame de son travail artistique, elle s'en est aussi affirmée au fur et à mesure des spectacles la nécessité de la poésie. Parce que la poésie va à l'encontre du monde actuel. Elle est lenteur, contemplation, recherche. Mais une poésie dénuée de sens pour l'amour des mots ne les intéresse pas. La poésie doit sous-entendre un propos simple ou complexe. Elle doit être une invitation à penser notre monde. Je ne vous en dis pas plus. C'est pour La Chose Publique à la Place des Vosges ce soir, vendredi 17 août à 21h. Et ensuite, ce sera au tour de Gromic d'être présent à Épinal. Hein. Ce sera mercredi à 15h, comme d'habitude, mercredi 22 août à 15h au Parc du Château. Un spectacle qui dure 45 minutes, pardon, donc 3 quarts d'heure. Et C'est un magicomic show, donc il est clown, comédien sans parole. Il réconcilie le public avec l'art du clownesque, hein, il réveille la créativité et la magie oubliée en chacun de nous. C'est la mission que s'est donnée Gromic dans son magic show. C'est un charmant vagabond, un public participatif et une rencontre inoubliable, car peu importe votre âge, peu importe d'où vous venez, riez et riez de bon cœur. Gromic vous fera retrouver votre innocence et votre sens de l'émerveillement. Et enfin, vendredi 24 août, je le répéterai bien entendu, mais à 21h à la Place des Vosges, ce sera le groupe Tankus The Henge qui fait du rock anglais. Donc si vous voulez en savoir plus, on se retrouve la semaine prochaine pour la synopsis, pour les petites informations complémentaires. Mais en attendant, on continue cette annonce des différents événements de la semaine et du week-end. Je l'avais bien entendu annoncé en tout début d'émission, s'il y a bien un morceau qu'il serait dommage de ne pas passer, ce serait un morceau d'un groupe qui passe ce week-end, même ce soir et demain soir, à Dommartin, Lire-Miremont. Et si je dis ce soir et demain soir, en effet, c'est parce que les Sapins Barbus font leur 5e festival ce week-end, hein, les 17 et 18 août. Et dans l'ordre de la programmation, ce sera vendredi Stone Deaf, Iron Bastards, Dog and Style, Nashville Pussy, 58 Shots et enfin Me. Puis samedi, Dick Tracy Lords, Sticky Boys, Rocker Bust, Hailstorm, Snapboarder et Dirty Deep. Ça se trouve sur la zone de la Bruche à Dommartin, Lire-Miremont. Camping est possible sur place. Et sinon, pour les billets, donc c'est 20€ pour un jour, 30€ pour les deux jours. Restauration et buvette sur place. Hein, bière, sapin barbu et possibilité pour les végétariens et même vegan de manger en fonction de ce qu'il y a. Hein. Ils ne peuvent pas non plus proposer des hamburgers végétariens, vegan et tout ce qui va avec. Mais au moins il y a quelque chose un petit peu pour tout le monde. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus d'informations pour ce qui commence ou ce qui a déjà commencé à l'heure à laquelle vous m'écoutez, rendez-vous sur www.sapinbarbu.com. Et je vous laisse avec le dernier morceau, le morceau Hangover de Hailstorm, et on se retrouve juste après. Whoa! I got an empty cup, pour me some more, so I can go until they close up, hey! And I can drink until I throw up, hey! And I don't ever, ever want to grow up, hey! I wanna keep it going, keep it going, going, go! Got a little bit wasted. Yeah, I got a little. got a hangover. Whoa! I got an empty cup, pour me some more, so I can go until they close up. Hey! And I can drink until I throw up. Hey! And I don't ever ever want to grow up. Hey! I wanna keep it going, keep it going. Wanna keep it going, keep it going, going, going, going, going, going, going, going. I got a hangover. Whoa! Ah, ça y est, vous l'avez entendu, c'est le générique qui a commencé. Et qui dit générique dit déjà l'heure de se dire au revoir. Donc, ce sera même aussi avant de se dire au revoir l'heure de faire la programmation. Et on y vient justement. Donc, la prochaine émission, c'est à 21h. Hein. C'est Mosaïque avec François. Puis, rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant demain matin de 7h à 8h. Je m'excuse par avant pour ceux qui m'écoutent de bon matin. Mais bon, l'heure des loups, le billet de sortie, c'est comme ça. C'est pour les sorties du week-end. Après tout, il faut marquer le coup. Suivi à 8h30 des Vosges samedi avec Hélène de RCN. Puis, toujours pour samedi, hein, musée de partie avec Cyril Renaud de 10h à midi. Pardon. Et puis, rediffusion du billet de sortie, encore une fois, samedi 19h-20h, suivi à 21h, Rock à la Casbah. Puis, rediffusion de Jukebox, samedi à partir de minuit, ou plutôt dimanche. Et comme on en vient à dimanche, hein, rediffusion de Musette Party à 7h, suivi de Salut les 60, rediffusé à 10h. Puis, J'ai aimé, je vous le lis, toujours dimanche à 16h. Puis, rediffusion des Années Bonheur avec Gilou, dimanche à 18h. Et enfin, Jazz Time de Radio Déclic à 22h, suivi d'une heure et demie de jazz. Et on se souhaite un très très bon week-end en espérant que vous, bah oui, que vous ayez trouvé de quoi vous amuser, de quoi vous occuper. En tout cas, on se retrouve lundi 18h-19h de bonne humeur pour parler de la Russie vue des yeux d'un enfant. Je vous en dis pas plus, je pense qu'on en saura beaucoup plus lundi. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook, sur notre site internet, ou même à faire des dons pour l'association. Si vous appréciez non pas que mon travail, mais celui des autres bénévoles, hein, n'hésitez pas, c'est important. Enfin voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention. Je souhaite à tous une très belle soirée. Bon week-end et à lundi sur le 107 FM.